Voilà, c'était super de vous avoir. Et Emma est de retour. Mais oui. Tu peux faire des annonces si tu veux. Ouais. Est-ce que c'est le bon micro ? Oui. Alors. J'avais pas envie de me rapprocher du micro, je voulais que lui se rapproche. Alors. Mais très, très ravie d'avoir entendu la fin de cette discussion, en tout cas. Merci. Je dis la suite ? C'est le moment de la désannonce et du programme du jour. Donc, il a déjà commencé avec le partage d'écoute de Léo Duplex. Et ensuite, à 17h dans la salle de jeu, un concert pour les familles qui s'appelle « Comme les doigts de la main ». C'est fait par le duo Opela avec Juliette Hubert et Seraina Ramsayer, flûte et violoncelle. Et c'est un concert de la série des Minuscules. C'est le numéro 3 et donc ça s'adresse aux 0-4 ans et leurs parents. Enfin, en tout cas avec un adulte. Je pense que c'est mieux. Voilà. À 19h dans la grande salle, Léo Duplex, qui va jouer donc avec son trio Les Certitudes, avec Juliette Adam et Judith Hamann. Et à 21h dans la grande salle, Rodri Davis et... Toi, tu as su comment j'ai entendu à la radio que tu sais comment et prononcer Alvanik son... Alvanik Örarta. Voilà. Deux solos et un duo. Et à 22h30, dans le salon d'écoute, Vanessa Rossetto, qui va nous présenter une pièce pour acousmonium qui s'appelle 25 Dogs. Ça, c'est pour toi, Antoine. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Au revoir. À demain. À demain. Bye bye. Ciao.